Amnésie digitale. Un horizon de lumière bleue, les esprits se perdent dans les ondes, les livres sont des souvenirs lointains, les cœurs se cherchent dans le néant. Ils savent tout sans rien comprendre, les machines parlent, les âmes se taisent. Ils connaissent tout sans ressentir, les machines murmurent, les âmes se taisent. Autrefois sont éteints, les regards ne se croisent plus, les savoirs sont des codes sans fin, mais les émotions se sont tues. Ils savent tout sans rien comprendre, les machines parlent, les âmes se taisent, ils connaissent tout sans ressentir, les machines murmurent, les âmes se taisent. Les enfants grandissent sans histoire, leurs rêves se perdent dans les pixels, les anciens contes sont dérisoires dans ce monde virtuel. Ils savent tout sans rien comprendre, les machines parlent, les âmes se taisent. Ils connaissent tout sans ressentir, les machines murmurent, les âmes se taisent. Un futur où tout est connecté, les esprits se perdent dans les réseaux, les livres sont des reliques du passé, les cœurs se cherchent dans les échos. Ils savent tout sans rien comprendre, les machines parlent, les âmes se taisent, ils connaissent tout sans ressentir, les machines murmurent, les âmes se taisent. Les mots anciens sont effacés, les regards ne se croisent plus, les savoirs sont des données chiffrées, mais les émotions se sont tues. Les étoiles brillent encore dans le ciel, elles nous rappellent ce qui est essentiel. Les liens humains, la chaleur des mains, ils ne doivent jamais s'éteindre en vain.